بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، donc inshallah nous allons essayer de voir un aperçu sur cet ouvrage qui est Al-Wasaya As-Salmiya et Ta'ilin al-Salafiya. Donc ce sont des conseils donnés à ceux qui se sont repentis, qui sont revenus au manhaj al-Salafi, écrit par un frère, un étudiant en religion d'origine des Émirats Arabes Unis, qui s'appelle Abu Abdullah Ahmed ibn Muhammad al-Shahri. Et donc, après son introduction de son livre, il dit Al-Wasiyatul Oula, le premier conseil. Donc, après avoir fait son introduction, c'est pourquoi il a écrit cet ouvrage-là, et qu'il l'écrit aux frères qui sont nouveaux dans la Salafiyya, mais qui en entrant dans la Salafiyya, alors qu'ils y sont entrés en disant de quitter tout ce qui est non conforme au manhaj authentique, on retrouve chez gens-là des choses qui ne sont pas conformes à la Salafiyya. Des mauvaises compréhensions, des mauvaises paroles, des mauvaises idées, des mauvaises convictions. Et parfois, ces gens-là pensent que ceci fait partie de la Salafiyya, alors ça ne fait pas partie de la Salafiyya. De même que des façons de faire, et ainsi de suite. Donc alors, il donne des conseils pour pouvoir un peu mettre un terme à ces lacunes, ces problèmes qu'on retrouve chez ces jeunes salafistes, pour qu'ils soient réellement et clairement des salafis conformes au manhaj. Car ce n'est pas seulement une prétention de la bouche de prétendre que je suis salafi, mais on retrouve dans tes propos, dans tes façons de faire, dans tes prises de position, des choses qui ne sont non conformes à la salafiyya. Donc il dit Al-Wasiyyatul Oula, le premier conseil, احمد الله على هذه النعمة واشكره عليها. Fais les éloges, les louanges à Allah et remercie-le pour ce bienfait qu'il t'a donné, le fait de t'avoir guidé au manhaj salafi. Beaucoup oublient ce point-là, de remercier Allah Azza wa Jal, de le louer pour l'avoir guidé vers le droit chemin, vers le chemin du groupe sauvé. فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ عَظِيمَةٌ يَمُنُّ اللَّهُ بِهَا عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. C'est un grand bienfait qu'Allah donne à qui il veut parmi ses serviteurs. فَأَحْسِنْ فِي شُكْرِهَا وَاسْتِعْمَالِهَا. Sois bon, fais-le convenablement lorsque tu remercies Allah pour cela et lorsque tu l'appliques. وَتَذَكَّرْ أَنَّهُ. Et rappelle-toi, كَمْ مِنْ مَغْمُورٍ فِي الشُّبُهَاتِ تُشَرِّقُ بِهِ شُبْهَةٌ وَتُغَرِّبُ بِهِ أُخْرَى لَا يَدْرِي كَيْفَ خَلَاصُهُ. Donc, combien de personnes sont tombées dans les ambiguïtés. Parfois une ambiguïté l'emmène à l'est et une autre l'emmène à l'ouest. Il ne sait pas comment s'en sortir. Et ça, vous le voyez. Hein, ces personnes qui viennent, qui savent pas où est le chemin, ils savent pas comment faire, il ne comprend plus rien, il ne sait même pas de qui prendre, il est perdu dans sa tête. Une fois qu'il est là, il est à droite, une fois il est à gauche, une fois il se dit ça, une fois il se dit autre chose, il ne sait pas. C'est un grave problème que vit cette personne-là. Et il ne sait pas d'où il est sorti. Il n'arrive pas à s'en sortir. وَكَمْ مِنْ مَغْمُوسٍ فِي الشَّهَوَاتِ مَأْسُورٍ بِهَا لَا يَعْلَمُ مَتَى مُعَافَاتُ. Et combien aussi sont dans l'emprise des tentations et des envies. Car parmi les causes, les grandes causes de l'égarement, il y a deux choses. Il y a الشُّبْهَة et il y a الشَّهْوَة. الشُّبْهَة, c'est l'ambiguïté. والشَّهْوَة, la tentation. Et c'est les envies. الشُّبْهَة, son remède, c'est l'ilm. L'ambiguïté, son remède, c'est quoi? C'est la science. والشَّهْوَة, son remède, c'est quoi? C'est la patience. La tentation et l'envie, c'est quoi son remède? C'est la patience. T'as envie de te faire un péché, Shaitan il te pousse, ton nefs elle te pousse. Hein, à faire un péché, tu es patient, tu essaies de ne pas tomber dans ce péché. Parce que tu le sais que c'est un péché, donc on n'a pas à te l'apprendre que c'est un péché, tu le sais. Donc qu'est-ce qu'il te faut? Tu patientes. La patience qui est demandée. Et quelle belle récompense qui est réservée pour ceux qui ont de la patience et de l'endurance. Mais pour les ambiguïtés, le seul remède, c'est quoi? C'est la science. C'est d'apprendre. Fashkurillah ayyuha ta'ib, ô toi le repenti, qui est revenu. Remercie Allah. Wa'alam anna hadhihi ni'ma min Allah wahda. Et sache que ce bienfait ne provient que d'Allah seul. La hawla wa la quwwata lak fiha. Tu n'as aucune force ni puissance en cela. Illa billahi al-latif al-khabir. Si ce n'est par Allah. Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa alladhi latafa bik. C'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a été bon envers toi. Wa hadat, et qui t'a guidé. وَلَمْ يُمِتْكَ وَأَنْتَ غَارِقٌ فِي الشُّبُهَاتِ وَالشَّهَوَاتِ. Et il ne t'a pas donné la mort lorsque, en étant sous l'emprise ou en plein dans les ambiguïtés ou dans les tentations et les envies. فَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَفِي الْآخِرَةِ. À lui les éloges, à lui les louanges au début et à la fin. وَهُوَ الَّذِي أَرْشَدَكَ. Et c'est lui qui t'a dirigé et qui t'a guidé. وَيَسَّرَ لَكَ مَنْ يُرْشِدُكَ إِلَى مَنْهَجِ السَّلَفِ الصَّالِحِ. Et il t'a facilité des personnes ou des causes qui t'ont dirigé vers la voie des fils prédécesseurs. فَمَا أَكْثَرَ نِعَمَهُ عَلَيَّ وَعَلَيْكَ. Et combien il y a de bienfaits, il y a beaucoup de bienfaits d'Allah sur moi ainsi que sur toi. قال تعالى لتريودي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Et si vous voulez dénombrer, c'est de compter les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez les dénombrer. وإياك أخي التائب والعجب والغرور. Et attention, je te mets en garde, ô mon frère repentant, de ces maladies-là qui sont l'ujb wal-ghurur. C'est la fierté de soi. L'ujb, c'est une grave maladie. Cheikh Al-Albani, rahmallah, dans un de ses conseils, il dit, parmi les graves problèmes qui touchent les tomab al-ilm au début, les étudiants en religion, c'est l'ujb, la fierté de soi. La personne, elle croit qu'elle est quelque chose. Elle croit qu'elle a atteint un degré. Elle est fière de ce qu'elle a pu atteindre. Et surtout, ça arrive lorsque la personne, elle se retrouve devant des gens de la masse qui ne comprennent pas grand chose, qui ne connaissent pas grand chose. Et lui, il connaît un peu, il croit que ça y est, il a atteint un autre degré. Ou que les gens le respectent, qu'ils lui donnent une place. Et lui, qu'il croit vraiment qu'il mérite cette place. Alors que par Allah, si cette personne-là, elle était devant les tulab al-ilm, Allah, il ne pourrait pas dire un mot. Et peut-être qu'il se ferait reprendre à chaque parole qui sort de sa bouche. Mais étant donné, et ça c'est connu, que le borgne, chez les aveugles, c'est lui le guide. Hein? Chez les aveugles, le borgne, il le prête comme guide. Il a l'œil qui voit. Hein? Donc ça, il faut faire attention à ça. Ou il manne à Allah fi zalika. Ou alors de. Le manne, c'est de rappeler que c'est comme si tu disais que ça venait de toi. Non, c'est moi qui a fait, c'est moi et ainsi de suite. Ça, c'est. Surtout, c'est employé lorsque les personnes, elles font des dons à des gens, et puis ils lui rappellent, tu te rappelles, je t'ai donné ça, tu te rappelles, je t'ai fait ça, tu te rappelles, je te rappelle. Ça, c'est comme le manne. Et ça, t'a fait tomber. Les récompenses de l'acte que tu as fait. Tu n'as pas le droit de comme ça. Même si tu dis, ouais, si, c'est vrai, je lui ai donné. Et même si tu l'as donné, tu n'as pas à lui dire à chaque fois. T'as vu, je t'ai donné, t'as vu, je t'ai fait, t'as vu, je t'ai donné. Tu n'as pas à faire ça. Bien que de l'autre côté, la personne, elle ne doit pas être quelqu'un d'ingrat. Il ne faut pas de l'ingratitude. Tu fais les choses pour Allah, mais par exemple, tu as des gens, par exemple, tu lui fais beaucoup de bien. Et tu le fais pour Allah, Azza wa Jal. D'accord? Tu le fais pour Allah, Azza wa Jal. Mais cette personne-là, elle n'est pas reconnaissante. Elle n'est pas reconnaissante. Et c'est connu que le prophète Hassan il a dit La yashkurullah, la la yashkurunnas. Ne remercie pas Allah, celui qui ne remercie pas les gens. Tu as des gens, tu lui as fait beaucoup de bien, tu l'appelles pour t'aider dans quelque chose. Non. Mais pour aider des gens qu'eux, ils n'ont jamais rien fait comme bien, il est tout le temps le premier pour le faire. Là, tu te poses des questions, tu dis cette personne, elle est ingrate. Moi, je n'ai pas à lui rappeler le bien que je lui ai fait, mais ce n'est pas bien ce qu'elle fait. Moi, pendant qu'il était en galère, j'ai toujours été là pour l'aider. Mais lorsque pour un petit truc, je lui demande, il n'est jamais là, alors que pour les autres, il est toujours là. Ça, c'est ce qu'on appelle une personne. D'un côté, tu n'as pas à rappeler aux gens le bien fait que tu as fait, parce que ça pourrait le faire tomber. Mais de l'autre côté, la personne en face, elle se doit d'être reconnaissante. Lorsqu'on te fait un bien, hein, lorsque tu peux répondre à un bien, tu dois y répondre. Si tu ne veux pas, tu dis Jazakallahu khayran. Jazakallahu khayran, le minimum, tu dis. Et que tu sois reconnaissant. Wala tansaw al-fadla baynakum. Et n'oubliez pas les bienfaits entre vous. Donc, d'un côté, il ne faut pas que la personne elle se vante toujours. Moi j'ai fait pour eux. Mais de l'autre côté, il faut bien le rappeler, il ne faut pas que les personnes soient ingrates. Ça, c'est important de se rappeler de ça. Et surtout pas avec Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Lorsque Qaroun, on lui a dit, rappelle-toi les bienfaits d'Allah sur toi, il a dit non, ça c'est moi, c'est par ma connaissance, mon raisonnement, j'ai été ramassé tout cet argent. Alors, il a oublié que ça c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Wa ahsin kama ahsan Allahu ilayk. Et sois bon comme Allah l'a été avec toi. قال تعالى لتقودي كذلك كنتم من قبل. Ça aussi c'est important. Pourquoi? De ne pas oublier ce qu'on était auparavant. Parce qu'il y a des gens, une fois qu'ils ont connu la vérité, ils oublient ce qu'ils étaient auparavant. Hein? Et ils n'ont aucune clémence envers les gens en face. Alors que lui, il est content que les gens aient été doucement avec lui quand il ne comprenait pas. Il était content que des gens viennent le prendre par la main. Il était content que certaines personnes ont été doucement avec lui, qui ont été clémentes avec lui. Mais lui, il ne l'est pas avec les gens. Et il oublie ce qu'il était auparavant. Et Allah dit aux Sahaba, radiallahu anhu, « كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا » C'est comme ça que vous étiez auparavant. Mais Allah vous a comblé de ses bienfaits, vous a donné de ses bienfaits. Donc, vérifiez. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un vient vous dire le salam, ne dites pas qu'il n'est pas croyant. Comme ça. C'est arrivé à l'époque des Sahaba. Ben, et ça, c'est ça, et ça, Allah Azza wa Jalla le rappelle, n'oubliez pas que vous étiez comme ça auparavant. Ça veut dire que vous étiez des mouchriques, des politiques auparavant. Vous n'étiez pas dans l'islam. Et Allah vous a comblé de ses bienfaits lorsqu'il vous a fait connaître l'islam et vous a fait entrer dans l'islam. Grand bienfait d'Allah, subhanahu wa ta'ala. وَإِيَّاكَ إِيَّاكَ وَالسُّخْرِيَّةِ. Et attention, attention, il y a la moquerie. Et attention, attention à la moquerie. وَاحْتِقَارِ الْآخَرِينَ. Et le fait de mépriser les autres. وَالْمُبْتَلَيْنَ مِمَّا عَفَاكَ اللَّهُ مِنْ Et ceux qui sont éprouvés par ce qu'Allah t'a épargné. Ils sont éprouvés par ce qu'Allah t'a épargné. بَلْ يَحْمَدِ اللَّهَ عَلَى أَنْ عَافَاكَ وَلَمْ يَبْتَلِيكَ بِمَا ابْتَلَاهُمْ Mais fais une louange d'Allah, loue Allah pour ce qu'il t'a épargné et qu'il ne t'a pas éprouvé comme il les a éprouvés. وَقُلْ إِذَا رَأَيْتَ مُبْتَلًا Et dis, lorsque tu vois quelqu'un d'éprouvé, c'est-à-dire lorsque vous voyez quelqu'un d'infirme ou quelqu'un d'handicapé ou quelqu'un de malade, quelqu'un qui a quelque chose, il y a une doa à dire. Le prophète nous a enseigné, lorsque tu vois Mubtala, quelqu'un qui est éprouvé, tu dis Alhamdulillah illazi afani mimma talaka bih wa faddalani ala kathirin mimman khalaq tafdila. Louange à Allah qui m'a sauvé, qui m'a épargné de ce qui t'a éprouvé et qu'il m'a choisi, qu'il m'a préféré à beaucoup de ce qu'il a créé. Donc ça, c'est important de se le rappeler. « Wa ashfiq alayhim » Et sois doux et tendre avec eux. « Wa arhamhum » Et sois clément envers eux. « Wa tamanna lahum ma a'taka Allahu min al-khayri wal-huda » Et espère pour eux ce qu'Allah t'a donné comme bien et comme guidée. Ça, c'est nous, on veut la guider pour les gens. On veut la droiture pour les gens. On veut le bien pour les gens. Ça, ça rejoint la parole d'Ibn Taymiyyah qu'on a vu dans un cours précédent. Ahlus sunnati a'lamu an-nas bil-haqqi wa arhamuhum lil-khata. Les gens de la sunna sont les plus connaisseurs de la vérité et les plus cléments envers les créatures. Et même lorsque Cheikh Zayd al-Madkhali hafidhahullah, lorsqu'ils lui ont demandé dans les cassettes qu'il y a eu sur Adnan Arour, si vous vous rappelez, il explique un point essentiel, il dit, et le fait que les ulama ont démontré les égarements et les erreurs de Saïd Qutb, c'est un bien pour Saïd Qutb. Mais les autres ne le voient pas. Pourquoi? Parce que celui qui a institué ou qui a fait revivre du mal, il en prendra le péché et il en supportera aussi les péchés des autres, ceux qui l'ont suivi, jusqu'à la fin des temps. Donc le fait d'avertir contre ces erreurs et égarements, on diminue le nombre de gens qui le suivent. Et donc son fardeau sera moins lourd. Il sera moins lourd. Donc c'est un bien pour lui. Il se sera un bien pour lui. وَعْلَمْ وَفَقَكَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ لَكَ مِنْ سِلْكِ الْأَسْبَابِ الْمُعِينَةِ على تصحيح توبتك بجد ونشاط وصدق وإخلاص et sache qu'Allah te dit que obligatoirement qu'il faut prendre les causes qui t'aideront à avoir un repentir authentique, qui t'aideront à avoir un véritable repentir, un repentir qui soit sincère, qui soit véridique. Wa awwal ma tabda'u bihi, c'est la première des choses que tu commences. Huwa, donc c'est al-wasiyyah ath-thaniyah, le deuxième conseil. Talab al-'ilm asasun fi tashih tawbatik. La recherche de la science, l'apprentissage de la science est un fondement de base pour avoir un repentir authentique. فَالْعِلْمُ أَسَاسٌ فِي تَصْحِحِ تَوْبَتِكَ Donc la science est une base, un fondement, un pilier pour avoir un repentir authentique. وَذَلِكَ لِأَمْرَيْنِ Et ceci pour deux choses. الأول, la première, أَنَّ الشُّبُهَاتِ فِي الْغَالِبِ تَكُونُ متعلقة في قلبك وعقلك que en général, d'un point de vue général, les ambiguïtés sont liées à ton cœur et à ta raison. À ton cœur et à ta raison. C'est là où les ambiguïtés s'opposent. فَإِنْ لَمْ تُصَحِّحْهَا بِالْعِلْمِ النَّافِعِ. Donc, si tu ne règles pas cela, et tu ne le rends pas authentique, c'est-à-dire que tu ne le règles pas par la science bénéfique, فَإِنَّكَ سَتَجِدُ نَفْسَكَ مُسْتَصْحِبًا لِهَذِهِ الشُّبْهَةِ فِي أَقْوَالِكَ وَأَعْمَالِكَ وَأَحْوَالِكَ. Donc si tu ne viens pas authentifier ton repentir par la science bénéfique, la shubha, étant donné qu'elle est basée dans ta raison et dans ton cœur, eh bien, elle apparaîtra dans, elle s'alliera avec tes paroles, avec tes œuvres et tes états. À chaque fois, elle aura sa place soit dans tes paroles ou dans tes œuvres ou dans tes états. Bel fid wa fida watika, même dans ton prêche. Kama huwa halu kathirin minan nas alladhina qafazu min at-tawbati lad-da'wa, comme c'est l'état de beaucoup de gens qui ont directement de la tauba, du repentir, ont sauté vers da'wa. De la tauba, selon les salafis, ils ont été faire da'wa, ils ont été faire le prêche, et ça on le trouve. Les gens qui étaient rois, ils ont fait d'abord la salafia, mais ils n'ont pas pris le temps d'apprendre et de corriger ce qu'il y a à corriger. Non. Ça y est, ils ont fait tawa, hop, ils ont continué à faire dawa, ou ils ont commencé à faire dawa, mais on voit dans leur dawa des choubouhats qui n'ont pas été enlevés. Des choubouhats qui n'ont pas été enlevés parce qu'il n'y a pas eu ce fondement de base qui est al-ilm al-nafi', la science bénéfique. Ou quelqu'un était tablighi, tu le retrouves. Tu retrouves des choses. Ou quelqu'un était ce qu'il était, mais il n'a pas pris cette base-là, tu retrouves ces choubouhats, car tant qu'il ne les a pas enlevés, il ne s'est pas nettoyé avec la science bénéfique, c'est pas que par ce biais-là que cette choubra partira, cet amour partira, sinon elle reste, elle ne partira pas. فَأَصْبَحُوا يُنَادُونَ بِالدَّعْوَةِ السَّلَفِيَّةِ. Donc ils sont devenus, ces gens-là, on les retrouve à appeler, à inviter, à prêcher la da'wa, le prêche salafi. لَكِنَّهَا مَشُوبَةٌ بِشُبُهَاتٍ إِخْوَانِيَّ تَجْمِعِيَّ أَوْ قُطْبِيَّ تَكْفِرِيَّ أَوْ سُرُورِيَّ حِزْبِيَّ. Mais elle est accompagnée par des ambiguïtés, par exemple des frères musulmans. Hein, ils veulent faire des parties, ils veulent regrouper les gens d'une manière qui est de la manière des Ikhwan musulmans, parce qu'il l'a vécu à l'époque où il était chez les frères musulmans, mais en faisant tawba, il n'a pas su que ça, c'était à revoir et c'était à corriger et c'était à nettoyer. Ou alors, Qutbiya takfiriya, il a fait tawba, mais il a encore du takfir, il a encore des idées de Sayyid Qutb. Al-Qutbiya, ça s'est pris du nom de Sayyid Qutb et de son frère Mohamed Qutb. Tous ceux qui ont leurs idées, leur façon de voir, hein, on les dénomme les Al-Qutbiya. Le Takfiriya, on a vu ça hier. Et donc on retrouve chez ces gens-là du Takfir. On retrouve même dans leurs paroles et des fois dans leurs œuvres et tout. Même si des fois, ils essayent un peu de diminuer de cela, mais tu le retrouves pourquoi? Parce que ça n'a pas encore été nettoyé complètement. Ça n'a pas encore été nettoyé complètement. Et s'il y a une partie de la question qui a été nettoyée, il reste encore quelques parties qui n'ont pas été nettoyées. En sururiya hizbiya. Sururiya, c'est ceux qui ont les idées de Muhammad Surur Zain al-Abidin qui est à Londres. Celui qui est d'origine syrienne et qui à l'origine vivait en Arabie, mais apparemment l'Arabie elle n'applique pas le sharia, mais en Angleterre elle applique le sharia. Donc il est parti en Angleterre. Parce qu'en Angleterre, lui et puis certains de ses amis en Angleterre, parce qu'il paraît que là-bas il y a les aides sociales et tout ce qu'il faut, et puis on lui donne le micro, il peut raconter ce qu'il veut. Et il n'a pas compris que les koufars, ils préfèrent avoir la personne sous leurs emprises, comme ça tu t'occupes de parler sur les autres mais tu ne parles pas sur nous. Et voilà, il est là, comme ça il est sous leurs yeux. Il voit très bien ce qu'il fait, et puis lui il croit qu'il a la liberté complète. Les gens ils croient que la liberté c'est de dire Shubuhat et Balal. Parce que c'est ça qu'ils pensent. Là-bas, il n'y a pas de liberté. Pourquoi? Parce qu'on ne permet pas de parler comme ça, on ne peut pas parler comme ça. les gens ne comprennent pas c'est quoi la liberté. La liberté, c'est celle qu'Allah Azza wa Jalla t'a donnée, celle qu'Allah Azza wa Jalla t'a permis. C'est ça la liberté réelle. Liberté ne veut pas dire libertinage. Hein? Une femme qui a un hijab, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas libre. Elle est libre. Et ça, et on sait qu'il y a les esclaves et il y a les gens libres. Elle, c'est une femme libre. Libre, ça ne veut pas dire être nue. Ça ne veut pas dire sortir dehors nue. Ça, c'est faux. Les gens, il faut croire des choses. Il faut croire des choses. Et puis les gens, ils viennent à répéter comme des perroquets ce qu'ils entendent. Qu'est-ce que la liberté? Non, ben, on n'a pas lui à t'interdire de dire ce qu'il veut. Ah, ben, Tayyib, ben, monte et passe sur le. Insulte le roi. Insulte-le. Tu verras si la police, elle va venir te chercher. Ben, tu vas dire, je suis libre, j'ai le droit de dire ce que je veux. Ben, donc, je sors dans la rue, je rencontre une personne, je l'insulte. Il n'a pas à me frapper. Il n'a pas à répondre. J'ai le droit de t'insulter. C'est quoi ça? C'est, chacun comprend les termes comme il le veut, mais on est perdu, c'est la loi de la jungle. La liberté, oui, mais la liberté, elle a des normes. Même chez les koufars, il y a des limites à la liberté. Il y a des limites à la liberté. Tu ne peux pas te permettre ce que tu veux. Tu ne peux pas sortir et faire ce que tu veux dehors. Tu ne peux pas rouler comme tu veux. Hein, sur l'autoroute, tu roules à sens inverse, on ne te laissera pas. On ne te laissera pas. Et tu diras, si, je suis libre, je n'ai pas envie de suivre cette loi-là, j'ai envie de rouler comme ça. C'est du n'importe quoi, les gens comme ils vivent. La vraie liberté, c'est celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée. Ce qui est interdit est interdit. Je crois que ça nous a tout montré. Et si dans un pays, on interdit que des gens sortent de la loi islamique, ben je ne comprends pas moi ces gens-là. Ils disent qu'ils veulent sharia, mais eux, ils sortent de la sharia. Ils disent qu'ils veulent la sharia, mais ils sortent de la sharia. Et c'est pour ça qu'ils ont, c'est ce qu'on appelle des gens mutana qirim. Ça, c'est Ahlul Bidah. Les gens de l'innovation, ils sont contradictoires. Et d'un côté, ils disent sharia, sharia, sharia, croyez. Et l'autre problème, l'Arabie, l'Arabie, l'Arabie. Il n'y a que l'Arabie. C'est comme si tous les autres pays n'ont aucun problème. Il n'y a que l'Arabie. Wallahi, moi, je ne comprends pas. Le Pakistan, on ne pousse pas les gens à parler sur les pays, mais sur... c'est parce qu'il ne faut pas passer par là son temps. Mais c'est seulement pour vous dire comment ces gens, ils raisonnent. Et comment c'est plutôt la da'wah de Mohammed Abdel Wahhab qu'ils veulent. Mais ils ne peuvent pas le dire comme ça ouvertement. Mais c'est parce qu'ils ont, une haine et une rancœur en vis-à-vis de la da'wah de Mohammed Abdel Wahhab, rahimahullah. Mais ils ne peuvent pas le dire ouvertement. Parce qu'ils le disent ouvertement, j'en suis sûr qu'ils parleraient beaucoup de leurs disciples et de ceux qui les suivent. Mais ils ne le disent pas comme ça. Ils ramènent des shubuhat. Ouais, mais t'as vu, ils font comme ça, ils font ça, ils font ça, ils font ça. Pour comme ça, les gens s'éloignent. Wallah, le Pakistan, qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui avait aidé les talibans à prendre le pouvoir en Afghanistan. Tout le monde le sait. Il a ouvert ses portes aux Américains. Il leur a donné ses bases. Il a combattu les talibans. Il a fermé l'ambassade. Le Pakistan a beaucoup participé à ce qui est arrivé au peuple taliban. Vous entendez les Hizbis parler sur le Pakistan? Ouais, c'est des koufars parce qu'ils ont fait ça, ils ont forcé les koufars, ils ont forcé les Américains, les bases militaires. Pourquoi pour la salle, tout le monde a parlé. Tout le monde a parlé. Qu'on soit d'accord, on va le voir, ça c'est notre question. Mais pourquoi? Étant donné que vous avez fait ça pour la Z, pourquoi vous ne faites pas pour le Pakistan? Personne ne parle pour le Pakistan. Comme c'est le Pakistan, je ne sais rien du tout. Et même des fois des gens qui ont ces idées-là, quand tu leur parles, tu dis, t'as vu le Pakistan, faut le faire parler. T'as vu le Pakistan, ce qu'il a fait, c'est pas bien, tout à l'heure. Il fait, ouais, mais. Et pour Abdel, il ne fait pas, oui, mais. Ah, il faut arrêter un peu. C'est pour ça qu'ils sont moutanards, kébim. Ils sont contradictoires. Ils sont contradictoires. Quand c'était dans leur intérêt de parler sur l'Arabie Saoudite, ils en ont bien profité. Quand maintenant d'autres pays ont fait pareil ou pire que ce que ça a fait, et bien là, tu ne les entends pas parler. Pourquoi tu ne les entends pas parler? Pourquoi tu ne les entends pas parler? Allahul Musta'an, que le Qardawi, ils disent que le citoyen, qu'un musulman américain peut se combattre sous le drapeau américain pour prouver sa citoyenneté? Personne ne parle. Mais quand tu vas le ramener, ouais, mais t'es sûr? C'est où? C'est dans quelle cassette? C'est dans quelle ville? C'est comment? Mais quand on ramène leur sous-boîte, ils le prennent directement. Allah, si quelqu'un a vraiment dit, vous êtes très vite. C'est quelqu'un qui vérifie ce qu'on lui ramène comme travail et tout, fais-le avec tout le monde. Pourquoi quand on te ramène des trucs sur l'Albanie, quand on te ramène des trucs sur Benbes, quand on te ramène des trucs sur Cherrabia, quand on te ramène des trucs sur Mokbel, tu prends directement de ces gens-là, sans réfléchir, et tu vas le répéter, tu vas jeter le poison à droite à gauche, tu ne demandes même pas d'où vous saisissez. Alors c'est en général, la majorité de ce qui est rapporté, c'est que des mensonges et des interprétations de leur part, mais quand c'est toi qui leur ramène un rabat, et tu dis, ouais, ramène-moi la cassette. Ramène-moi le livre, ramène-moi ça. Il veut jouer celui, genre, nous, on vérifie ce qu'on prend comme rabat. Allah al-Musta'an. Il faut arrêter de se moquer du monde. Allah, c'est des gens qui s'amusent avec la religion d'Allah. C'est des gens qui s'amusent avec la religion d'Allah. Or, Sururiya Hizbiya. Donc, c'est ceux qui suivent Adam Mohamed Surur. Ils ont des revues comme le Bayan et comme le magazine As-Sunnah. Mais en vrai, c'est le Bid'a. Eux, ils l'ont appelé Sunnah. C'est Al-Bid'a, leur magazine qui sort Birmingham. Ces gens-là, avec Mohamed Al-Abda, avec Mohamed Al-Mas'ali, le Saoudien, des revues comme le Bayan et comme le magazine As-Sunnah. Mais en vrai, c'est le Bid'a. Eux, ils l'ont appelé Sunnah. C'est Al-Bid'a, leur magazine qui sort Birmingham. Ces gens-là, avec Mohamed Al-Abda, avec Mohamed Al-Mas'ali, le Saoudien qui a préféré quitter l'Arabie Saoudite pour aller habiter à Londres, et qui a une fois, c'est lui qui avait fondé l'Ajlatul Hukouk Shar'iyya, l'association qui est pour les droits civiques ou les droits pour défendre les problèmes. Les gens, ils disent que les pauvres personnes en Arabie ne peuvent pas se défendre vis-à-vis des grands ou des riches et ainsi de suite. Ils avaient fait ça et ils avaient réussi à prendre quelques machaires pour défendre leur cause en leur faisant montrer d'une image. Bien sûr, ils savent comment parler, ces gens-là. Ils savent comment. Non, mais nous, on veut seulement, c'est une association où les gens ils viennent nous voir, on essaie de les aider, on essaie de les défendre dans les tribunaux, dans les problèmes et tout ça, et dans les litiges. Voilà comment ils viennent. Et après, Haït qui va vers l'ulama, on se fait interdit. Comment ça, dans un pays, les gens vont fonder quelque chose alors que les autorités ne sont même pas au courant? C'est quoi cette manière? Dans un pays, il y a des règles. Il y a des règles. Tu veux faire quelque chose, tu demandes aux autorités. C'est pas comme ça la loi de la jungle, chacun fait comme bon lui semble. Et en plus de ça, l'État a mis en place des institutions pour ce problème-là. Ça voudrait dire quoi? Mais en vrai, eux, ils voulaient remettre en cause l'autorité, mais d'une autre manière. Parce qu'ils savent que s'ils le disent ouvertement, ils sont. Mais bien avec tout ça, le ulama, ils les ont contrés, ils ont dit qu'il fallait fermer cette institution. Et lui, là, Mohamed Al-Mas'ali, bien sûr, ils ont été défendus par Salman Al-Aouda ou Sahel Al-Hawali, ils sont dedans. Et quand Adam Mohamed Al-Mas'ali, il est parti, il est venu à Londres, il a commencé à dire. Le cheikh Ben Baz, il est proche de la mécréance. Voilà. Ça, il ne le disait pas, c'est en Arabie. Voilà. Les gens, voilà, ils cachent des choses. Et pendant qu'il les cache, il dit non, on ment sur moi. Et dès qu'il est bien pris, là, ça y est, il lâche tout. Et ceux qui disaient, parmi ceux qui les suivent, non, mais c'est pas vrai, il ment sur lui, c'est pas bien de mentir sur lui. Et maintenant, il le dit ouvertement. Qu'est-ce que vous pensez? Ah, là, c'est quoi votre réponse? Al-Asabiyya, le fanatisme. Pour les mouvements, pour les partis, pour les personnes. Allah Musta'an. Il a eu là-bas, sur Ben Baz, il est proche de la mécréance. Il a fait les éloges de Khomeini. Il a parlé en mal de Daoud Mohamed Abdel Wahab. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il a dit, et je suis un des premiers à avoir mis les bases du Hizb al-Tahrir en arabe. Et j'en suis fier. Et je suis dedans depuis plus de 20 ans. Voilà. Quand il était là-bas, tout était caché. Il arrive en Angleterre, voilà. Allez, sors tout ce qu'il y a dans ton cœur. Allez, sors. Et voilà, ils en ont encore des choses dans leur cœur. Et il viendra les jours. Et les jours, chacun verra de ses propres yeux. Si Allah donne la vie et allonge dans la vie, vous verrez de vos propres yeux. Tous ces gens-là, un jour ou l'autre, vous verrez ce qu'ils vont sortir. C'est parce qu'ils adaptent leur langage. Mais les ulama voient de loin. Ils voient les choses arriver. Ils voient les déviations arriver. Et les gens comme ça, ils se mettent. C'est pour ça que c'est un problème. Et ça, c'est tardif pour les salafis d'en revenir au ulama. C'est Cheikh Mukbil, alayhi rahmatullah, il disait: Iza akhbarakum al-Sheikh Rabi'a bi anna fulan al-Hizbiya, fa sayadharu lakum yawm al-Nahr. Lorsque Cheikh Rabi'a vous dit que un tel c'est un Hizbi, un jour ou l'autre vous le verrez. Pourquoi? Parce que lui, il les a connus de près. Et il les a côtoyés. Et il sait leur façon de penser. Mais il cache ces gens-là. Et lorsqu'il dit, non, moi j'ai rien vu. Allah, il va rejeter tous les livres de hadith. Rejetez-les. Un tel, il est da'if. Pourquoi? Parce que le Bukhari, il a dit que lui, il était da'if. Ouais, mais moi j'ai rien vu, quoi. J'ai pas vu, moi, il était da'if, cet homme-là. ce narrateur, qu'il dit que le Bukhari, là, ça c'est la preuve du Bukhari, mais moi je ne sais pas, moi s'il est daïf. Eh ben, ouvrez cette porte-là, et puis tout est foutu. Toute la science, elle est foutue. Ibn Ma'in, il a dit que c'était un kazzab, c'est le narrateur. Mais qui nous dit qu'il est kazzab? Qui nous dit, nous, qu'il est kazzab? Ah non, moi j'ai peur pour Yom al-Qiyamah devant Allah, moi je ne peux pas dire qu'il est kazzab. Ouvrez cette porte-là, ça c'est de la fausse taqwa, ça. C'est pas de la vraie taqwa. Allah, il a dit, Inja'akum fasiqun bilaba'in. Si un pervers vient vous ramener une annonce, allez la vérifier. Qui va dire que ces gens-là, ce n'est pas ça? Les gens reconnus pour leur imama, et pour leur science, et pour leur taqwa, et pour leur ilm. Enfin, pas avoir la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Enfin, arrêtez de jouer et de s'amuser. Et en plus, ces gens-là qui vous ramènent ce genre de choubouettes, eux-mêmes, ils ne l'appliquent pas. Toutes les règles qu'ils ramènent, ils ne les appliquent pas. Non, mais il ne faut pas parler sur les gens, il ne faut pas faire de redout, il faut faire salam l'ilm. T'as vu, on connaît même salam zainawiyya, on connaît même pas ça, on connaît même pas ça. Salam l'ilm. Ils ne savent pas que tu dois faire salam l'ilm, tu dois faire ta religion, mais en même temps, tu m'en gardes. Tes frères, tu n'as pas le droit de les laisser tomber dans l'égarement. Mais eux, par exemple, tu en rencontres un. Tu dis, pourquoi tu m'en gardes pour t'établir? Non, l'établir, c'est dangereux, il ne faut pas. Non, ta règle à toi, c'est on ne doit rien dire, on doit faire salam l'ilm. Bah, applique ta règle. Pourquoi tu mets en garde contre les gouvernants et tu préviens les gens comme quoi c'est des koufras? T'as pas à mettre en garde, puisque les gens ne font pas salam l'ilm. Tu vas les laisser tranquilles. Ils font leur salam l'ilm. Ils connaissent pas encore l'arba al-nawiyya, ils connaissent pas. Pourquoi tu mets en garde? Wallahi, choubouhat. On n'a même pas envie de les tellement que j'espère que. J'ai pas envie de raconter des choses que les frères, hein, ils connaissent pas, après ça va leur rentrer dans leur tête. C'est mieux une tête qui est nettoyée, qui ne connaît même pas ça, alhamdoulilah. Mais encore mieux. Mais c'est pour vous dire quoi? Que ces gens-là, eux-mêmes n'appliquent pas leurs règles. Eux-mêmes, ils ne les appliquent pas. Parce que les règles, elles ne sont pas authentiques. Les règles qu'on peut appliquer, c'est des règles authentiques. Toutes les règles fausses, on ne peut pas les appliquer. Et eux-mêmes, ils les émettent seulement pour leur intérêt. Ils les émettent pour leur intérêt. Pour leur intérêt. Fassouratou, Hizbiya, c'est le sectarisme. Hizbiya, Hizbiya, c'est le sectarisme. C'est de faire l'ouala ou al-bara pour un parti, pour une personne, pour un professeur, pour un élève, et ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on appelle le Hizbiya. C'est faire l'alliance et l'inimitié, aimer et détester, tu l'as pour une personne, tu l'as pas pour le haq. Alors que nous, Ahlul Haqqi, on aime pour Allah et on déteste pour Allah. On s'allie pour Allah et on a de l'inimitié pour Allah. Celui qu'Allah aime et son messager sa femme, on est avec lui. Et celui qu'Allah déteste, on n'est pas avec lui. On est avec le Haqq. Avec Al-Haqq wa Jama'at Al-Haqq. Le groupe de vérité. C'est dans ça qu'on a Al-Wala wa Al-Bara. فالصورة السلفية والذوق والرائحة غير ذلك. Donc l'image de cette personne-là qui fait dawa mais qui a encore des trucs, hein, l'image elle est salafia. L'image qu'on voit de loin, on voit que c'est salafia. Mais le goût et l'odeur qui sort de tout ça, c'est autre chose. Ce n'est pas salafia. فصار دعوتهم السلفية ضمن معايير معينة. Donc leur da'wa salafia, elle est devenue sous des points bien précis. Kana asasuha shubuhat, ses bases, son fondement étaient des ambiguïtés. Qabla at-tawbati istathabuha wa lam yusahihuha. Ce sont des shubuhat, des ambiguïtés qu'ils avaient avant leur tawba, avant leur repentir. Mais elle est restée, ces choubouettes, ces ambiguïtés sont restées avec eux. Et ils ne les ont pas nettoyées. Ils n'ont pas fait le nettoyage qu'il fallait. Par exemple, il y en a des exemples. فَهَذَا يُنَادِي بِالْإِمَارَ الدَّعَوِيَّ. Donc il y en a un qui nous va appeler qu'il faut un émir pour da'wa. D'où il a ramené ça? Il a ramené ça de là où il était auparavant, avant cette tawba. وذاك يعطل بعض الاصول السلفيه. Un autre, tu le vois en train de rejeter, en train de nier des fondements salafis. On les voit. Le gars, il te dit salafi, mais il n'accepte pas des. n'accepte pas des fondements de base dans le manhaj salafi. Pourquoi? Parce que pour X raisons. بدعوى أنها تسبب قسوة القلبية. En prétendant que cela amène à la durcité du cœur. Ouais, ça rend les cœurs durs. Depuis quand le haq a rendu les cœurs durs? C'est pas parce qu'il y a des gens qui ont leur cœur dur qu'on va dire que c'est le haq qui a rendu leur cœur dur. Hein? Ça, il faut faire avec un peu les bêtises. Faites un peu les bêtises. Ça a rendu les cœurs durs. Le cœur dur, c'est parce que la personne, c'est lui qui a un problème. Mais la da'wa al haq, c'est pas elle. Da'wat al-haq, c'est pas elle qui rend les cœurs durs. Comment ça, le Coran rend les cœurs durs? Wa sunnah rend les cœurs durs? Wa afar sahaba rend les cœurs durs? Wa zikrullah rend les cœurs durs? Et la mise en pratique de la sunnah rend les cœurs durs? Mais la bid'a ne rend pas les cœurs durs. Wa dalal rend pas les cœurs durs. Arrêtez un peu les bêtises. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. N'est-ce pas que c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. أو تقطع علاقة الأخوية. Ou alors que ça divise et ça coupe la fraternité entre les frères. Si lui devient kafir, je vais pas laisser mon islam pour dire bon, on est frères, on reste ensemble. Voilà, quelqu'un, voilà, il sort de l'islam. Tu, pour garder ta fraternité avec lui, tu délaisses les règles de l'islam en disant non, parce que ça va couper. Quelqu'un, il a accepté de suivre un autre chemin que celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu veux être frère avec lui comme tu l'es, avec celui qui est comme toi, il suit le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'où il ramène ces règles-là, ces gens-là? Avec eux, se mettent à parler sur les salafis et ils ne passent plus le salam aux salafis et ils coupent les salafis parce que les gens ils sont malins, c'est eux qui font, ils disent que c'est eux qui ont fait. Moi je connais des frères, ils disent ouais, ouais mais les salafis t'as vu ils ne passent pas le salam, tu vois les gens ils disent ah non c'est lui parce qu'on n'arrête pas de le conseiller, on n'arrête pas de lui dire faut faire comme ça, faut faire comme ça, c'est lui qui nous a quittés, mais lui il appelle ça, c'est eux qui m'ont quitté. Voilà, le Maghraoui il a dit à ses disciples, vous éloignez de ceux qui ont parlé sur moi, sur le Maghraoui, c'est lui qui l'a dit le premier. Eux ils ont dit tu crois, t'as vu, ils nous font le hajr comme si on était. Attends, c'est votre cher qui l'a dit ça le premier. On mettait un peu les choses dans l'ordre, arrêtez un peu de chercher. Au début, quand tout était tout frais, c'est votre cher qui l'a dit, tellement qu'il était touché par le fait qu'il y ait certaines parts sur lui et il vous a dit à vous de ne plus parler avec les autres. Donc arrêtez un peu de... C'est bien beau de dire toujours que. Alors, les rois, c'est jamais eux qui ne sais pas. Les tabliers, c'est jamais eux qui ne sais pas. C'est toujours le salafi. À chaque fois que tu viens dans une mosquée, c'est toi qui ne sais pas. Et vous, non. Non, nous, c'est pas. Nous, non. Voilà. Tout le monde, il est beau, tout le monde est gentil. Tout le monde. Arrêtez un peu les bêtises. Qui dit ce qu'ils veulent? Allah Azzawajal connaît la vérité. Allah Azzawajal, qui fait quoi? Non. Eux, c'est quoi pourquoi ils te disent ça? Parce qu'ils veulent que tu fermes ta bouche. Et tu fermes ta bouche. Eux ils disent ce qu'ils veulent, tout le dalal de la terre ils peuvent le ramener, mais toi que tu ramènes. C'est comme une fois un soufi il était dans un majlis, on était invité chez un frère, comme ça on parlait, on commençait à dire quelques hadiths, on t'invite à lui, ça commence. Voilà. Chez les soufis, ça veut dire les hadiths ne peuvent pas les comprendre, c'est trop fort et tout. Ça y est, les mains ils ont parlé, ça y est, ça fini. Pas plus besoin de retourner. Il y a des soufis qui pensent comme ça, faut plus retourner au Coran et à la Sunna. Parce que ça veut ça. Si vous ne prenez pas la parole de Qur'an, ça c'est parmi les fondements de la mécréance. Donc, vous connaissez ça. Par exemple, As-Sawi, qui a une hachia à al-Jalalay, à la tafsir al-Jalalay, Jaladdin Siyot et Jaladdin al-Bahalli. As-Sawi, hachette As-Sawi, on cherche le traité, il en parle un peu dans certains de ses ouvrages. Il a dit quoi? Celui qui a pris par l'apparence des textes du Qur'an et de la Sunna, celui-là a un fondement parmi les fondements de la mécréance. A'udhu billah. Ils font peur aux gens. Et même, tu vois, il y a certains soufis, ils combattent ceux qui appellent le kitab al-sunna en disant ça y est, les machaires, ils ont fait leur chèque, il n'y a plus d'ijtihad. C'est fini. Ça y est, maintenant on prend le mazhab et on suit. On n'a plus besoin. Sinon, ça voudrait remettre en cause tous les mazhab et tout. Voilà. Donc, on parle notre parole à nous, il n'y a pas de problème. Un hadith qui est sorti, c'est lui, ça commence. Voilà. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit que les gens vont avoir les connaissances. Voilà, ayyadu billah. Mais c'est très très grave. Pourquoi? Parce que la personne, elle veut que tu lui tapes un grand sourire, tu le prends dans tes bras, alors qu'il a ses vêtements qui tombent, il n'a pas de l'ihya, rien du tout, il s'en fiche de prophète, il s'en fiche de la sunna, il ramène n'importe quoi de sa bouche, il rapporte des qawa'id qu'on sait ma, anzalallahu biha min sultan, Allah n'a pas révélé, Allah n'a pas permis, hein? Et puis voilà, c'est ça qu'ils aiment bien. Et ça, vous le verrez très bien. Faites une table ronde avec ces gens-là, vous verrez. Chacun ramène son opinion. L'autre, il est à l'est, l'autre, il est à l'ouest, l'autre, le point nord, l'autre, le point sud. Chacun ramène. Dès que toi, tu viens remettre. Premier à avoir ramené Dawa Salafia en Chine. Je suis le premier à être entré dans tel bled. Hein? Ah, il n'y arrive pas. C'est. Après, il regarde, quand il voit que le majlis, les gens ne répondent pas, personne ne se lève, personne ne dit rien, il dit, je voulais vous dire une chose, mais je ne voulais pas vous le dire, mes frères. Je ne pense pas qu'il y en ait un qui a étudié chez Cheikh Ben Bash al-Albani comme moi j'ai étudié. Hein? Ça, c'est enregistré dans ses cassettes. Hein? Donc, même c'est des phrases qu'il a dû dire plusieurs fois, il n'a pas dit qu'une seule fois. Il me disait, moi je veux l'islah avec Cheikh Rabia. Je veux qu'on réconcilie, qu'on règle le problème avec Cheikh Rabia. Allah et Shabab, ne rentrez pas dans ça. C'est entre moi et Cheikh Rabia. Il a fait croire que c'était seulement, comme le Marawi, il a fait la même chose. C'est entre moi et Cheikh Falah. Le prochain, c'est pas ce qu'il dira. Chacun fait croire que c'est un problème personnel. Alors il dit, c'est entre moi et Cheikh Rabia. Et moi j'ai dit, je suis prêt qu'on fasse une assise avec Cheikh Al-Fawzan ou Cheikh Abdel Mahsin Al-Abbad. C'est comme ça qu'il dit. L'Abbad et Al-Fawzan. Quand il a reçu l'annonce comme quoi Al-Fawzan a parlé sur lui, il a dit non, Al-Fawzan, jamais il a défendu le manhaj salafi. Bon, il y a quelques mois, tu étais prêt à prendre Al-Fawzan comme arbitre. Tu étais prêt à le prendre comme arbitre. Et là tu dis, jamais il a défendu Mahdi Salafi. Jamais, ça veut dire quoi? Pas genre, jamais, ça veut dire quoi? Jamais. Donc pourquoi tu le prenais comme arbitre? Pourquoi tu voulais le prendre comme arbitre? Dis-le que tu as mal reçu la nouvelle comme quoi il a parlé sur toi, il a dit qu'est-ce que tu étais. Quand il a entendu que Cheikh Al-Abbad, mais il a parlé sur lui, il a dit, Khalouna ou Al-Abbad, laissez-le moi. Voilà. C'est basé sur quoi tout ça? Rien du tout. Ces gens-là, ils se moquent du monde. Il dit quoi? J'ai jamais lu les livres de cette chronologie. On les a les cassettes. J'ai jamais lu les chronologies. Et tu lis peut-être 3, 4, 5 pages dans un livre, c'est tout. D'accord? Ben, voilà les cassettes. En Amérique et autre part. Où des jeunes te demandaient. Mais ça te coûte ça, c'est pas cette chronologie. Qui t'a bon, tchaïs? T'as jamais lu le prophète Kitab Jayyid? Tu connais pas le prophète? Tel livre de cette Kutub. Hop, et hop, il a assez pas devant tes livres de cette Kutub. Et dans son livre, en 5 volumes là, le triste vécu, ça c'est le numéro 1, et la suite, en arabe, la majorité des paroles qu'il y a dedans, c'est celle de cette Kutub. Moi je peux vous dire, il y a plus de 3 pages des livres de cette Kutub. Et je ne pense pas qu'il ouvrait au hasard les livres de cette chronologie. Il savait très bien où aller chercher les passages. Ça, moi, je ne sais pas. Quand même, il faut quand même pas sérieusement. Je ne pense pas qu'il a dit, je ne veux pas lire le livre, j'ouvre une page au hasard. Hop, ça m'intéresse, je vais écrire. Non, je ne pense pas qu'il s'y prenait de cette manière-là. Non, il faut arrêter un peu de se moquer du monde. Non, quelqu'un, il reconnaît la vérité. Il dit, c'est vrai, il m'est arrivé. Ça. Et aucun côté. Mais que tu essaies de tourner autour du pot, et tu ne veux pas en faire la vérité, et tu caches, et tu racontes n'importe quoi. Moi, je ne sais pas comment il faut les gens pour le défendre. Abdelkader Chouaa que vous avez ici, il était chez Cheikh Rabia. Lui, Boukdir de France, ils ont été, Cheikh Rabia lui a montré, lui a expliqué pourquoi il avait dit que l'autre c'était un Qutbi, Anan Aaron. Mais le problème de Abdelkader Chouaa, c'est l'ombre de Anan Aaron. Même dans les gestes, dans les cours, il ne fait pas la même chose que lui. Et qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, alors j'ai bien le droit de dire que c'est un Qutbi. Il m'a dit, ah oui, là c'est. Il a reconnu. C'est ce que vous avez déjà écouté les cassettes, je ne sais pas, c'est en deux cassettes. Boukdir et Abdelkader Chouaa avec Cheikh Rabia. Lorsqu'il est venu en France, il a retourné sa veste. Il dit ouais, Cheikh Rabia, il nous a fait du tel vice et tout, il nous a pas montré comme ça. Mais devant Charabia, il ne disait pas ça. Un lion, il est parti. Bourdil, il l'appelle. Il lui a comment ça se passe à Lyon et tout. Et il lui a dit, Intasarna, nous avons gagné. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré des jeunes, il leur a expliqué qu'il a défendu Anna Naros. C'est quoi ça? C'est logique, hein? C'est le truc du Hizbi, ça. Intasarna, Mantasarna, c'est quoi ça? Wallah, Allah al-Musta'an. Les frères l'ont enregistré en train de parler sur Cheikh Rabia à Lyon. Ils ont été chez Cheikh Rabia, ils ont dit, Cheikh, écoute. Il est venu chez nous à Lyon, voilà ce qu'il disait. Quand il est rentré, il nous dit, lui, chien. Celui à après le soir. Il vient, viens mon enfant, viens. Et toi? Non, on a cherché. Il lui a mis la cassette. Il a dit, c'est bien toi là-dedans. Hein? Mais c'est qui là? Hein? Dès que les prends comme sur le vif, ça y est. Voilà. Et dès qu'ils sont, ils sont lâchés, ça y est, ils nient tout. Ces gens-là. Non, on rigole, mais wallah, c'est très grave. Tu te demandes à lui la sincérité. Des frères étaient avec lui en voiture après le soir. Ils parlaient des élections. Comme quoi, ils participeraient aux élections. Je ne sais pas quelles élections qu'il y avait ici en Belgique. Et les frères se sont engagés. Comment ça se fait qu'ils participent aux élections et tout? Ah, j'ai dit. Mais quoi? C'est l'heure de la salade? Wa inshallah on continuera après inshallah. Barak Allahu fik wa la ilaha illa anta, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin.